la trappe. Let's go. 20h-22h. La trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow. Bonsoir, vous écoutez La Trappe, comme tous les mercredis on est là. Alors c'est la première fois de la saison qu'on n'est pas en direct. Alors c'est pas un problème humain, hein. Tous les énergumènes sont bien présents ce soir. On va se faire les meilleurs moments, toutes vos séquences préférées sont là. On a juste un petit problème de studio, mais avec un peu de ficelle et du scotch, on va vous réparer ça pour la semaine prochaine. Ça va être aux petits oignons. Vous avez prévu une émission géniale, hein, pour ce 29 mars, avec en plus la journée mondiale du nuage aujourd'hui. Donc autant vous dire que ça nous avait beaucoup inspiré. Mais on remet tout ça la semaine prochaine, vous inquiétez pas. En attendant, toutes vos séquences préférées sont comme d'habitude au même endroit, avec des moments, mais des moments, on s'est tordu de rire en réécoutant tout ça. Ben justement, c'est ce qu'on vous propose jusqu'à 22h ici. Bienvenue. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On s'installe, hein. Maëva est en train de déplier le camping-car. J'ai presque fini. Fix est en train d'installer la machine à barbe à papa. Miam. Ça va être encore fabuleux. Une énorme émission ce soir avec plein de surprises. Franchement, vous allez bien vous amuser. C'est le rendez-vous du mercredi soir, hein, pour vous changer les idées en plein milieu de la semaine. Alors avant toute chose, j'ai envie qu'on commence par quelque chose qui s'est passé dans ma vie lundi. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais dans un supermarché et j'ai entendu ce titre. Insta, Instagram, gram, gram. Ik vang mijn volgers met een laserkam. Insta, Instagram, gram, gram. Oui, il parle bien du réseau social Instagram. Hein. Mais quel supermarché, Jadoul ? À Deleuze, voilà. D'accord. Simplement, à deux pas de la radio, ici. Et okay. J'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça ? On Shazam ? Oui. Je Shazam. Ça donne bien, c'est magnifique, ça. Oui. Ça donnerait peut-être des idées. Non. Et mon Shazam m'indique que ce monsieur s'appelle Urb Anus. Chouette nom, bien joué. En fouillant sur ce grand artiste flamand, je m'aperçois qu'il a un grand succès. Ce flamand a chanté en français et c'est le titre qui a fait toute sa carrière. Je vous propose qu'on en écoute quelques morceaux de ce grand titre. Allez, voici le premier couplet. Tous les deux, si amoureux, ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà, ça va. On court après les papillons, les libellules, oui, et les méduses. Alors non, les méduses... C'est pas compliqué. Dans le ciel. Il ne vaut mieux pas courir ça après les méduses. Alors Google Traduction n'indique pas à Monsieur Urbanus que les méduses ne volent pas dans le ciel. Mais bon, ce n'est pas tout. Parce que dans son niveau de français, je vous dis pas qu'on va reparler de la Saint-Valentin d'hier, mais si on laisse aller la chanson, il va parler de son amour avec beaucoup de tendresse. Souriante comme une belle fille, elle me dit, viens mon vilain. Ouais, sympa. Et elle me déshabille avec ses petites mains de lapin. Le lapin, c'est des pattes. Heureusement, il n'y a personne qui voit comment elle me chatouille. Juste une petite bande de 30 boy scouts qui me regardent avec des yeux de grenouille. Ah, y a de quoi, ouais. Attention. On va pas passer tout de suite au refrain parce que vous n'êtes pas prêts. La vraie question, est-ce que cet homme est un vrai héros et est-ce qu'il protège sa copine s'il se passe quelque chose ? Il commence à pleutre. Ouais. Ça devient une vraie tempête. À pleutre. Et mon amour ramasse une grosse branche sur la tête. Elle devient toute bleue, son cœur s'est arrêté. Non. Merci mon Dieu, que ce n'est pas moi qui s'est fait écraser. Espèce d'égoïste, va. Il a fait les paroles avec Google Traduction. Mais ou c'est un gag le truc. Malheureusement non. Et ça existe. Et ça refrain existe. Quand les oiseaux chantent dans le bois. Et ma fiancée est près de moi. Mais non, du coup, elle est morte avec la branche. Enfin bref, n'en parlons plus. Je vous ai fait découvrir Urbanus. Merci. Merci. Ah bah, il vous fallait une jolie chanson d'amour quand même. Ah bah ça, ça va nous aider, je crois. Bon, perso, je vous avoue qu'en tant que grand séducteur, moi j'aurais plutôt choisi Régine pour ma Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de vos roses et de vos orchidées, de vos grandes fleurs qui prennent trop de place, de vos plantes rares enrubanées? Eh ouais, moi je pense qu'elle l'a tout dit. Bravo Régine. Non mais sans rire. Bon, n'en parlons plus. Ne parlons pas de Saint-Valentin. Attends, on m'informe d'un truc. On vient de me souffler un truc dans mon casque. Ah oui, c'est quoi? Maëva. Oh, non, qu'est-ce qu'il y a encore? T'as fait de la télé sans nous le dire? Bah enfin. Maëva, on n'a pas les choses ici. Bah attends, bah heureusement qu'on a des enquêteurs. T'as donné une interview pour un documentaire d'RTL TVI car tu démarres ta tournée pour rencontrer tes fans dans un forum à Liège, c'est ça? Voilà, je viens faire le forum, rien n'est répété. Et... Non, j'aime bien... Je suis très difficile avec moi-même, donc y a besoin de répéter, de se remettre aussi dans le move, comme on dit maintenant, le jeunes. Très gênant ça. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Ne redis plus jamais ça à la télé. Bienvenue dans le move. Mais j'aime bien faire des émissions avec des jeunes. Des jeunes. Oui, non mais voilà, j'ai plus les mots. Tu me fascines. Oh là là. Non bah tant qu'il rit pas. Quoi? T'as aussi fait de la télé dimanche? Arrête. Mais si, on t'avait vu dimanche, alors on savait que t'aimais faire la fête. Ah ça. Mais alors de là à te retrouver dans Appel d'urgence. Elle vient de descendre et lui était dedans et on l'a pris en plafond grandé, lit quoi. J'ai juste pris un studio. Mais on s'en fout de ce que t'as pris, c'est pas ta voiture, t'as pas à être dedans. Ah non, mais elle fallait pas la laisser ouverte aussi. Mais comment ça, elle fallait pas laisser la voiture ouverte? Toi. Non, tu peux pas t'asseoir, tu restes comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de voler une voiture? Bah elle était ouverte. Oui, mais bon, c'est pas une raison. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Toi, une journée compliquée? Très, très compliquée. Beaucoup trop. C'est toujours mieux que la journaliste scientifique Brigitte Milot de CNews. C'est une chaîne d'infos en continu en France. Ok. Alors, CNews, évidemment, vous avez compris, c'est notre deuxième passion après les tournois de lancer de tarte. Hein. Donc, comme chaque matin, vers 8h, elle fait sa chronique. Écoutons celle d'hier. Bonjour docteur Millot. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la cocaïne. Ah, ça nous intéresse. Ça commence bien. Mais en 2022, est-ce que ça parle encore à quelqu'un la cocaïne? Maintenant c'est partout. Ça va de l'étudiant au noctambule, en passant par le travailleur épuisé. On a même des patrons dans les after-work qui en proposent à leurs employés. Ah oui, carrément. Nous, tout ce qu'on nous propose ici, c'est du café. Donc je sais pas, on a peut-être pas les mêmes patrons. En attendant, on la trouve où si c'est pas nos patrons qui la fournissent cette cocaïne? On a des call centers partout, c'est très facile de s'en procurer. Ah. Ok, ah, carrément de la pub en fait. Oui, donc c'est-à-dire on fait quoi? On va en pharmacie, on va chez Ikea. Oh bah vous téléphonez, vous pouvez vous faire livrer de la cocaïne. Ah oui. On devrait pas le dire. Hein. C'est un petit malaise, non? Pas dire ça. Ça fait un petit malaise quand même, non? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je confirme, c'est un stupéfiant illégal. Bon, heureusement qu'elle a pas affiché un numéro en bas de l'écran. Hein. Vous pouvez appeler évidemment. Au 02. Ouais, voilà. C'est ça, 02 315 10 15. Bon, je vous rappelle que c'est une scientifique, donc sortons la blouse blanche pour comprendre le produit. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur normalement du plaisir, du désir, de l'euphorie. Alors quand on voit ça, on peut se dire, finalement c'est sympa votre truc, ça donne envie tout ça. Oui, ça aurait été malhonnête de couper à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va aller plus loin dans l'extrait. Oh là, allons là, un là, petit là, peu plus loin, parce peur. Que là, on se dit non, on hallucine. C'est sympa votre truc, ça donne envie tout ça. Pas du tout, c'est sympa à petite dose. Oh, mais si c'est sympa à petite dose, mais c'est bon. Mais non, mais c'est pas possible. CNews numéro 1 sur l'info. Et ils sont revenus là-dessus ce matin, à 8h, ça a été relayé. En fait, hier soir chez Quotidien, ils ont aussi traité l'information, mais alors, de la même manière que nous, très simple, sans montage au final. Voici leur réaction ce matin. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont... détourner un peu votre message hier. Comment vous avez dit? Un peu? C'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable, une manipulation.

sera, si vous le souhaitez, un précieux partenaire pour vos soins palliatifs et autres formalités. Le but de l'entreprise est de vous garantir un chantier sans tracas. Un mot, un geste, et Christelle s'occupe de tout le reste. Formez donc pour étude et devis le 0 421 20 32 49 33 94 47 69 60 96. Numéro d'appel de Christelle disponible dans le Borinage. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Le jour où il y aura une vraie voix off avec une vraie pub, je pense que ça va nous faire bizarre. Les 20h, c'est la trappe sur Gaïef. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur Gaïef. Et si on faisait un nouveau jeu, le jeu de... le jeu du texte spécial, spécial. Vous allez voir, je vais vous introduire le sujet. Ok. Cette année, il y a eu un championnat, encore une fois, d'imitateurs animaliers. Et c'était de retour à Dunkerque pour fêter les 10 ans du championnat. Au bistrot de la Bastille, devant un jury de 7 personnes composées en partie d'anciens champions, 15 candidats ont défilé et ont donné le meilleur de leur corde vocale. Le but, imiter le cri de la mouette. Et dites-vous qu'il y en a plein des mouettes. On a les mouettes rieuses qui chantent pareil. Donc, vas-y, fais-nous le cri, babou. Ouais, ouais, je peux vous faire le cri si vous voulez. Ça, c'est la mouette rieuse. C'était une souris, donc, c'est ça. Et un jeune Français de 18 ans a remporté cette 10e édition du championnat du monde du cri de la mouette, organisé au Festival de Dunkerque. Tu nous feras un cri, champion du monde, mon frère. Allez, cassez la mouette. C'est impressionnant, ça, c'est le gagnant, c'est ça. Toi, tu ne mues pas. Et alors, voilà, il se fait appeler Capitaine Moumou. Et... Quel nom, mon frère. Et il a quand même gagné parmi 17 000 candidatures. Oh la vache. Et il a déclaré. 17 000 personnes qui, ouais, ouais, qui font des cris de mouette dans 17 000 la rue. Personnes passionnées par le cri de la mouette. Et bah. Nickel. Moi, je fais pas ça de mon samedi, mais peut-être que des gens aiment bien faire ça. Et il a déclaré : je fais la mouette depuis seulement un an. C'est déjà beaucoup. On le réécoute juste un peu. Oui. Champion du monde, mon frère. Et pas mal. Non, franchement, ouais. Mal, c'est vrai qu'on y croirait. La personne est en vacances là. Alors prenons des conseils avant de tenter l'exercice. Une mouette, c'est un cri qui te donne envie d'y aller. Qui te sent être sur la plage d'Ostende. Qui te dit, t'es là, t'es à Newport. Avec les oiseaux, la mer elle est dégueulasse. Et il y a les mouettes. Lui a 18 ans. Non, lui c'est un autre participant. Ok, c'est déjà arrivé deuxième, troisième. Attends, il donne un conseil. T'as interviewé plusieurs personnes ou qui? Oui, à mon avis. Non mais c'est un truc habituel chez Kix, il écoute pas toute l'émission, dans son casque il a une autre émission, et bref, c'est un truc parallèle, on lui expliquera plus tard. Ça va. Kix, oui. Toi devoir faire cri de la mouette. Moi, mouette. Oui, attends, on te met dans l'ambiance. Et c'est bon, c'est bon. Où sont les inscriptions pour l'année prochaine? J'ai un 17 001 participant. Non mais sans rire. C'est pas mal. Hein. Je pense qu'on va l'inscrire à son insu peut-être. Mais on va... Et tu serais chaud de le faire? Bah je serais chaud, ouais. Allez, un petit voyage à Dunkerque. Ah, bah oui. On te le paye. Ah, mais... j'y vais, je suis chaud. Mais tu nous ferais ça. Et alors je rêverais qu'il passe sur RTL et qu'il fasse « Je suis le gagnant, oui. Je vous emmerde. Mais tu fais bien ça. Bien, bien, bien. On va voir comment tu le fais, toi, Maëva. Attends, vas-y, Maëva. Je sais pas comment partir. Et comme quand tu t'es fait rentrer dedans avec la voiture tout à l'heure. On dirait plutôt un corbeau, c'est un corbeau ça. Eh ben sympa, bravo, félicitations, bravo, bravo. Y a pas un concours corbeau. Quoi, moi? Tu peux le faire? Oui, non, mais... non, je fais pas la mouette. Ah si? Non? Bah attendez, je vais vous la Vas-y, faire. Fais la mouette. Ouais, je m'en doutais que t'allais faire l'éléphant. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur Kayev. Vous connaissez la chaîne BFM TV? Bien oui, sûr. Bien sûr. Ils sont spécialistes pour les infos. On continue 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avec le direct, toujours au cœur de l'information. Mais toujours en direct sur place. Ils couvraient les grèves SNCF il y a quelques semaines. Alors, vous vous souviendrez peut-être de ce moment. C'était incroyable, mais vrai. Ils avaient sur le quai interrogé une dame qui montait dans son train. Et ils l'ont peut-être interrogé trop longtemps. Et du coup, vous tentez quand même. C'est l'aventure. Oui, je tente. Je t'en sais dans quel état d'esprit ce matin. Ouh là là, le train est en train de partir. Mince, j'ai perdu le train. je suis d'arrêt. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? Là, mon train est parti, j'ai plus trop envie de comprendre quoi que ce soit. Probablement le seul de la journée. Je suis le seul à me demander si elle avait pas ses bagages dans le train. Putain, oui, quelle horreur. Quelle horreur. Comme Mr Bean. C'est vrai, comme dans ce film. Toi, en fille. Ouais, c'est vrai. Sachez que hier matin, 7 mars, grève SNCF, on a retrouvé sa valise. Non. Même journaliste, même timing, et je peux vous dire que là, même écrit pour un film, on n'aurait pas pu le faire. Écoutez ce que la journaliste dit et écoutez bien ce qui se passe juste derrière elle. Ça se passe pas trop mal et Anne va partir. Oh, attention! Voilà. Clara? Vous voyez, voilà. En fait, vous voyez ici, derrière, la dame. Le mec est tombé entre le train et le quai. Mais quelle idée. Elle est en train de dire à BFM TV, voyez, voilà, tout se passe bien. Et voilà, quelqu'un qui se tôle entre le train et le quai, juste derrière. Et comment il s'y est pris? Ça aurait pu être moi. Ouais, c'est vrai. Avec la chance que j'ai. Imaginez la même chose en direct sur le plus gros événement de ces derniers jours, le salon de l'agriculture. Oui, je suis actuellement en direct du salon de l'agriculture. Malgré le bruit ambiant, vous constaterez qu'il y a une chouette ambiance ici et tout se passe plutôt bien. Ramasse tes vaches, gros abruti. Tu t'es vu avec ta gueule de con, abruti connard. Voyez, voilà, il se passe toujours quelque chose ici sur BFM TV. Ah, ils sont partout, mais même un peu trop partout. Je me trouve en direct sur les lieux où s'est produit à l'instant l'événement. Un homme blanc dans un bureau de production audiovisuelle a renversé un liquide noir et chaud qui s'apparente, semble-t-il, à du café. Oh putain. Il a mal et il est rouge. Ah, c'est chaud. Est-il dans cet état car le produit s'est renversé sur son ordinateur? Oh merde, le clavier, putain. Ou sur sa chemise blanche? Non mais casse-toi, toi. Non, ah, casse-toi. Il semble me faire des grands signes. Une déclaration BFM TV en exclusivité. Arrêtez, cassez-vous, putain. Cassez-vous. Il s'emporte en direct. Allez me chercher des serviettes pour le clavier, merde. Ah, toujours au cœur de l'info. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Poussez-vous, voici l'interview combinée. Combini. Comme toutes les semaines, on prend une interview du média Combini, on n'en regarde que les réponses de l'invité et nous, on fait des questions qui sont censées être les plus drôles. Voilà. Sauf que le moins drôle d'entre nous se prend un coup de combiné. Bonne réponse. Jouons tout de suite. Ce sera la seule que j'aurai. Hein. On retrouve l'acteur et l'humoriste Ramzy. Bonjour, c'est Ramzy Media. Oui, tu me laisses terminer d'abord. On retrouve l'acteur et l'humoriste Ramzy. C'est Ramzy Media. Oui, merci. On laisse tomber, c'est pas grave. Ouais. Ramzy quoi. Faire un tournage, c'est ma phobie. Tu sais, un jour faire un tournage avec Ramzy et Eric. Alors Eric et Ramzy, ouais, ouais, individuellement déjà ils sont très forts. Pour y rassurer. Alors ensemble, c'est vrai qu'une galère. C'est vrai qu'il faut être quasiment aussi fort qu'eux du coup pour gérer la séquence. Oui, ou du moins ne pas vouloir à tout prix avoir le contrôle de son plateau. Aussi. Parce que si, ouais. Ou alors ne pas dire aussi ce que tu veux pas qu'ils fassent, sinon ils le feront. Un peu comme Michael Youn ou. J'ai plus son nom en tête maintenant, c'est génial. Ou Jamel Debbouze. Ah merde, je voulais qu'il reste dans la merde. Non, j'ai trouvé bien sûr. On va faire la première question, Maïva. Ah, c'est moi qui commence. Eh ouais. Ok, c'est toi le mec toujours en claquette chaussette? Ouais. Ça me colle à la peau, ça. Alors, ton clash avec Zemmour, on t'en parle souvent? Ouais. Ça me colle à la peau, ça. Ok. Je vais dire un truc, mais il est peut-être un peu tôt. 20h55. Si, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, on a un public libéré. Ton tatouage d'Eric sur la fesse droite. Ouais. Ça me colle à la peau, ça. Ah, ça va. Ça va. Il y a rien de... Je viens c'est de sympathique. Modifier mon tatouage. Ah, ok. Mais moi, je vais savoir l'original. Je te dis en antenne. Ok. Ou alors, je l'habillerai sur les coups de 22h. Mais le pire, c'est qu'il note pas, donc j'essaye de regarder sur sa feuille, mais il y a rien. Tout est là-dedans. Tout est là. Parce que même quand il note, il sait pas lire son écrit. Mais j'ai arrêté. Voilà. Je note plus. Ça sert à rien, c'est des lignes. Bah, Eva. Ah oui, pardon, j'étais. On est, voilà. Ne t'excuse pas, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je préfère que tu me fasses un blanc et que tu retrouves tes esprits. Mais on enchaîne à la 2, ok. Il paraît que tu n'écoutes plus du Aya Nakamura. Je suis très soulagé, mais je sais pas encore comment parler.

J'aimerais un menu Big Mac coca frites sans sauce, s'il vous plaît. J'ajoute à votre commande un menu McNugget. Non, c'est bon, hein. Non, je n'en veux pas. Arrête. Stop. Non. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, stop. Non, ça, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Nugget. Ah, c'est bon, je me casse, hein. Garde-les, tes poussins. Le montant de votre commande s'élève à 4 834,50 €. Oh non, hein. Voulez-vous étaler les paiements? Je ne les payerai pas. Voulez-vous des serviettes? Non. Ah, j'ai bien fait d'avoir accepté un pot de vin de KFC. Pour faire fuir les clients du petit Ronald McDonald. N'importe quoi. Ils sont cons. J'aime bien quand elle rigole, moi. Ah. On dirait, vous savez, les petits enfants quand ils sont sur des trucs qui font des mouvements. Et là, ah. Moi, ça me fait un peu penser, vous savez, lors des repas de famille chez les grands-parents, quand il y a mamie qui décide de remplir votre assiette, là, hein, même si tu lui dis stop à mamie, elle est là, tu prendras bien un petit peu de purée quand même. Des jambons. Allez, mange, il faut manger, hein. Allez, mais je fais ça de bon cœur, t'aimes pas, t'aimais bien. Avant, allez, tiens. À ce moment-là, tu te dis ton régime. Dernière info qui passe à la trappe, vous savez, c'était hier soir, l'Euro Million. Ah. T'as joué? Ben non. Ouais, moi j'ai joué. Et? Moi j'ai pas gagné. Ah. Alors que 145 millions d'euros ont été remportés par un joueur en Belgique. Ah. Ouais, je vous ai bien eu. Hein. C'est la Loterie Nationale qui a sorti l'info. Bon, il s'agit du troisième plus grand vainqueur belge, hein, de toute l'histoire. Le dernier datait de 2017 avec 153 millions d'euros. Et juste avant, c'était en 2016 avec 168 millions d'euros. Ça va, ils se mettent bien. Ouais, ouais. Enfin, moi ça fait 10 ans que je joue, jamais gagné. Mon espoir. Ah, allez, tiens. Moi je joue plus. Mais ça sert à quoi? Ça sauve tes tickets gagnants. Oh merde. En col, est-ce qu'on peut jouer avec un ticket déchiré? Bonne question. Oh, si on sait lire le code barre, c'est bon, non? C'est vrai. Bon, affaire à suivre, je sais pas du tout. Jadoul, dès 20h sur KIF. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Radio Falminioul, pour tous les amoureux de radio, voici ce qui se passe encore vraiment dans certains endroits de la Belgique. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où la fréquence a été piratée. Bonjour chers auditeurs de la 97.8, bonjour également aux auditeurs connectés en DAB+. Je sais pas ce que c'est. Parrain et marraine de cette émission cette semaine, Papy Paul de Profondeville. J'en tiens mon casque. Ça me casse les oreilles. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Je dirais que nous avons été piratés. T'es sûr de ça? J'en ai bien l'impression. T'entends? Bah oui, je l'entends qu'il est bête celui-là. Merci, c'est bien qu'on ait piraté. Je suis pas encore redevenu sourd. Ouais, ça va, hein, ça va. T'étais calme. Ne nous emportons pas et tentons de régler le problème. Guy, regarde un peu sous la table si c'est pas un problème dans les câbles. D'accord. Alors, Guy? Ah non, mais c'est pas moi, j'ai rien touché! C'est quoi le petit boîtier que t'as ramené en studio? C'est ta boîte de pilules? Ça? Non, c'est un gadget que j'ai confisqué à mon petit-fils. Ah oui? Ah bah, attends, sors un peu du studio avec. C'est bon? Oui. Et reviens maintenant. Ça m'a tout l'air d'être ça. Et tu n'as pas l'impression que ça ressemble à un petit brouilleur de signal, ton bazar? Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça y ressemble. Bon, écoute, garde-le. On va s'en servir pour démolir la concurrence. Mais qui? On pourrait pirater les grosses têtes de Philippe Bouvard. Merveilleuse idée, ça, mon Guy. Bon, vas-y, je te laisse gérer et dis-moi quand c'est prêt. Voilà, c'est bon. Je l'active. Écoutons RTL pour voir si ça a bien fonctionné. Les grosses têtes de Philippe Bouvard arrivent d'ici quelques instants, malgré les perturbations techniques que nous subissons actuellement, suite à un brouillage émis depuis la radio Fanlioul. Le temps d'écouter un titre, nous allons court-circuiter leur émetteur. T'as entendu ça ? On riposte ? Je crois qu'ils ont déclaré la guerre. Soldat Guy ! Oui ! Balance l'émetteur au maximum sur RTL ! J'active mon brouilleur à fond ! Ici RTL, nous vous offrirons tout le promo. Je crois que la partie est finie. Oh non! C'est perdu, Guy. On va refaire un émetteur avec un cintre en métal. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Sérieusement, où est la limite? Il n'y a plus de limite. Tout est permis. La semaine prochaine, quoi? Découvrez le jour où ils ont fait atterrir un avion. J'ai hâte de réécouter ça en podcast. Oh la vache. Disponible sur toutes les plateformes. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur KIF. C'est primordial. C'est une coutume qu'on doit maintenir. C'est notre tradition. C'est pour ça que Maëva est là. Dans la mise à jour, on va parler donc de... D'un filtre anti-arnaque qui va être mis en place pour alerter les utilisateurs lorsqu'ils seront sur des sites frauduleux. Donc c'est quand on fait un selfie, on met le filtre anti-arnaque, voilà. Non, ça veut dire que quand tu as allez, n'importe qui, Swagman qui se filme en selfie, ouais. Le filtre anti-arnaque, pouf, il disparaît. N'importe c'est quoi. À peu près ça. Mais non, c'est comme un module qu'on intègre à le navigateur web et voilà. Mais c'est ce qui va permettre en fait de vraiment mettre un filtre sur tes recherches web pour te okay. mettre au courant des arnaques et t'en informer. Alors je m'y connais un peu en informatique. On appelle ça un plugin. Mais non, parce que... Alors... Non, parce que un plugin, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va selon les alertes, etc. Là, c'est vraiment un algorithme plus sophistiqué qui est développé. Oh. Pour, donc c'est par le gouvernement français qui prend cette initiative. Je tiens quand même, parce que tu m'as un peu cassé le début de ma chronique, on va se le dire. Taille de ta gueule. Voilà. Elle ne peut pas me faire une gentillesse dans chacune de ses chroniques. Je me fais défoncer. Mais c'est parce que c'est toi qui commence. Hein, on s'en fout. On veut voilà. savoir. Okay. Donc du coup, en fait, c'est plus sophistiqué parce que c'est un algorithme qui va détecter des signaux d'alarme qu'on associe en fait aux sites malveillants. Donc par exemple, les fautes d'orthographe, les images de mauvaise qualité, les liens suspects, ou encore les demandes de paiement avant de pouvoir accéder à un contenu. Et si ça identifie ça sur la page web comme potentiellement dangereux, et ça vous informe immédiatement et vous pouvez prendre les mesures nécessaires. Alors qu'un plugin, c'est souvent selon les signalements. Il faut que les personnes, d'autres utilisateurs, les plus signalés. Là, c'est vraiment un nouvel algorithme vraiment plus développé qui va être mis en place, du coup, comme je disais, par le gouvernement français d'ici la fin 2023. Ah oui, le gouvernement s'est dit, hop, il y a trop de... Mais alors, ce qui est très bien, parce que c'est vrai que on en entend tous les jours des problèmes de « je me suis fait arnaquer, ça a demandé mon code, machin ». On en entend tous les jours. Et là, le fait que le gouvernement dise « allez, on va agir à la base même », au lieu d'aller traquer les voyous qu'on retrouvera jamais ouais. parce qu'ils sont planqués au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, au fin fond de n'importe où, là, c'est à la racine, pouf, vous ne les voyez plus, ou attention, c'est dangereux, c'est ça ? C'est ça, c'est ça vraiment ça. Comment ? Mais il n'y a pas de nom, c'est le filtre anti-arnaque. Bon, on va l'écrire, tiens, on va le mettre dessous. C'est très marrant. Leur filtre. C'est très marrant. Mais non, mais il va y avoir forcément, ça c'est les premières informations qui sortent. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont décidé de faire ça et de prendre cette initiative m'a fait sourire, c'est pour la Coupe du Monde de rugby de 2023. Oh. Parce que, soi-disant, que quand il y a des événements mondiaux, ça multiplie les arnaques. Donc voilà. Et donc là-dessus, ils ont fait un communiqué qui disait que voilà, le premier ministre en particulier l'a dit. Et donc ce sera un filtre vraiment mis sur tous les sites français, mais il n'y a pas vraiment de limite de zone géographique, donc je suppose qu'on pourra en bénéficier aussi. J'attends de voir ça. Et puis de toute façon, tant mieux hein, s'ils le développent, la Belgique va l'acheter et on va en ressortir un chez nous. Mais écoutez, dans quelques mois, je vous referai une chronique pour vous donner exactement toutes les infos. Ouais, sauf qu'il serait éclaté parce qu'en fait, l'équipe flamande ne s'est pas coordonnée. avec l'équipe wallonne et à Bruxelles au milieu, ils ont fait attendez, je vais revoir le processus. Et ça va partir en cacahuète, on connaît le bazar. C'est la Belgique, c'est la beauté de ce pays. Merci Maëva. Avec plaisir. Le filtre anti-arnaque pour essayer de se protéger sur notre navigation internet. C'est ça, d'ici on a fin retenu. 2023. Eh oui, oula, ça rigole plus. Pour le procureur du roi maintenant. Dès 20h, c'est la trappe. Dans un instant, ne bougez pas, tous vos moments préférés sont là. Ça ne bouge pas, comme d'habitude, tout à la même place. Mais nous, on revient en direct la semaine prochaine. En attendant, vous débranchez pas la radio, il y a plein de belles surprises qui arrivent. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Ça fait quand même la 22e fois où on l'invite dans ce studio. Je m'installe, hein. Prenez une chaise. J'ai cru que vous alliez tomber, vous m'avez fait peur. Ah, moi aussi. Il est à côté de moi, il est pas très stable, bon, il me fait peur. Exceptionnellement, je peux te demander de te rapprocher de lui juste pour... Non. Mais j'ai pas envie qu'il se casse la gueule. Mais allez. Mais s'il tombe, c'est moi qui va tuer. Ça va les gars, ça va. Oh, bonsoir ensemble, Michel. Hein. Ouais, c'est ça. Bon jeune soir de ouf. Hello, mes petits bichons d'amour. Vous allez bien, mes petits coquelicots? Mes petites crevettes. Mes petites gambas. Arrêtez, c'est bon. Mes petits choux à la crème. Silence. Oh, vous m'écoutez? Alors, attendez, j'ai juste vous parler à vous. J'ai coupé le retour dans le casque de Jean-Michel, mais je vais vous faire un aveu. Jean-Michel est complètement torché. Il titube, il est là, il est sur son siège. Il est complètement ivre-mort. Je n'entends rien. Sa machine, sa chemise, pardon, elle est ruinée. J'ai jamais vu un mec dans cet état-là. Il a un œil plus bas que l'autre, bref. Un, deux. Jean-Michel ? Oui. Je te retourne. Bon, voilà. J'ai quand même un peu l'impression. Ah, dites pas si je me trompe, mais c'est un peu fort pompette, Jean-Mi, quand même. Pompette ? Quoi ? Pompette ? J'ai surtout envie de dire, what you know, pompette lampe. Regarde, je pompette lampe. Don't you know, pompette lampe. Regarde, je pompette lampe. On s'en va, j'ai rien fait de mal, là. Oh, bah, comme le disait si bien la chanteuse en lisée. Ah, vous la connaissez ? Bon, bien sûr. Ok, pas mal, cette petite poulette. Arrêtez. C'est pas ma faute, à moi. Oui, c'est bon, je chantais pas, arrêtez, vraiment. Si on écartait définitivement le chant pour ce soir, Jean-Michel. J'essaie d'être sérieux, même si je le suis. En voyant votre état, j'ai plutôt envie de rire que d'être sérieux. Mais bref, on vous laisse tout seul, 10 minutes comme ça, avant la prise d'antenne. Et c'est comme ça que vous nous revenez. Vous trouvez ça bien? Capitaine Jean-Mi, toujours présent, jamais absent, surtout au ravitaillement. Vous me faites vraiment peur, Jean-Michel. Si un jour vous vous étiez absenté sans prévenir pour aller déjà dans un refuge, là, vous vous souvenez quand vous nous avez téléphoné? On a rien compris au téléphone d'ailleurs. Oui. Votre situation actuelle est inadmissible. Là, vous avez encore franchi la ligne rouge. Vous vous rendez compte? Comme si nous, on pouvait prévoir que vous allez arriver dans cet état. Jean-Michel, on est à l'antenne. D'ailleurs, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Jean-Michel! Si je suis bourré, c'est à cause de lui. C'est le gros dindé qui m'a servi toute sa bière qui avait appris qu'il faut l'envie de vivre et de sourire avant de venir. Mais je vais pas vomir. Oh, je vais pas vomir. Non. Écartez-vous. C'est avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Retiens l'écran. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah, je me frotte les mains. On va retrouver Angélique. Elle est active sur YouTube depuis le 27 novembre 2012. Ça fait donc 11 ans qu'elle est sur la plateforme. Elle cumule 2 millions de vues. Pas mal. 2 millions 13 802 pour être précis sur l'ensemble de ses 933 vidéos. C'est bien. Donc quasi un millier de vidéos en ligne pour un millier de vues par vidéo. Ouais, un peu comme nous quoi. À raison de... Bientôt, à venir. Faites monter cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. À raison de deux nouvelles vidéos par jour, je vous présente donc Angélique. Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui, et les autres jours aussi. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit aujourd'hui? Que fait-elle sur sa chaîne? Ah, que fait-elle sur sa chaîne? Elle dépasse bientôt les 8000 abonnés quand même. C'est et donc, elle parle de quoi dans ses vidéos? Elle est très heureuse en tout cas. Ah, bon, ça. Alors, on nous dit aujourd'hui, c'est la Saint-Angèle. Angélique. Si, c'est ma fête aujourd'hui. C'est ma fête aujourd'hui. Et alors, j'espère que vous m'avez pas oublié. Donc, je vous remercie de ne pas m'avoir oublié. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Si. Ouais, si. Si. Non, pas l'oublier. Je vous garantis que le principe de sa chaîne, c'est pas de faire les éphémérides tous les jours. Non, c'est pas la météo. Elle est scrapbookeuse. Alors, c'est quoi ça? Ça paraît un peu tordu. Heureusement qu'Antoine a la définition. Ah. Selon Antidote, scrapbooking signifie c'est un loisir créatif consistant à réaliser par collage une composition personnalisée de photos, d'images ou de petits objets présentés dans un album ou sous une autre forme telle cadre, boîte décorative ou affiche. En gros, elle fait des bricolages. J'en faisais tout plein quand j'étais petite, moi. Du scrapbooking. J'avais mes livres de scrapbooking. Ah, il y avait la page. Espèce de scrapbookeuse. Mais non, mais il y avait la page spéciale Robert Pattinson, la page spéciale Anna Montana. J'adore. Et je mettais des petites paillettes. Tu vois, petits... t'en es sortie. On continue j'ai avec. J'ai pas fait de chaîne YouTube. Angélique. C'est le printemps, hein. C'est le printemps, bonjour, bonjour les papillons, c'est le printemps. Anina, nina, nina, nina, c'est le printemps. Elle est tellement heureuse que ça part dans tous les sens à chaque fois avec elle. C'est bon les nouilles, moi j'adore les nouilles. Les coquillettes, c'est mes préférées, hein, et aux gruyères. Ou alors au beurre, tout simple, comme ça, au beurre avec un peu de poivre. C'est délicieux, moi j'adore les nouilles. Elle est cinglée. Il n'y a pas un médecin à lui conseiller. J'ai faim, au secours, j'ai faim. C'est une femme très seule qui... On a tous faim ici autour de cette table. Je ne sais pas si vraiment tu as envie d'aller manger chez elle. Enfin, ouais. C'était un dialogue comme ça. Est-ce qu'on peut revenir sur son dicton du jour? On rappelle qu'elle avait un dicton du jour qui est très approprié à son état très volatile. Quelle musique, le silence? Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Je n'ai pas du tout l'intention de me taire. Non, je n'ai pas du tout l'intention de me taire. Hein. Aujourd'hui, on va chanter. Hein. Ah si, c'est la Saint-Angélique. Alors la Saint-Angélique, qu'est-ce qu'on chante? On chante Angélique de Christian Vidal. J'espère que vous la connaissez. Hein. Donc, chantons ensemble Angélique. Alors, est-ce que quelqu'un autour de cette table peut me promettre de connaître Christian Vidal? Non. Non. Non. Oui, déjà entendu parler. Oui. Mais non! Mais Vidal, ça me dit un truc, mais... Bon, je vous le remets en tête, juste pour que vous la connaissiez tous. Rien n'est pareil, c'est célèbre, Angélique. Voilà, ça c'est la vraie chanson. Ce qui donne en live... Mon bonheur, c'est toi, jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi, nuit après nuit et pour la vie. On va couper. Hein. C'est un peu long, si on a encore là demain. C'est un peu peur. Ouais. Ben c'est vrai qu'on n'avait jamais entendu parler de Monsieur Vidal, Christian de son prénom. Bah, j'ai le droit de chanter ma chanson. Hein. Non mais dis donc, je pense toujours à tout le monde. Alors j'espère que ça vous a plu. Hein. J'ai pris ma plus belle voix hein, pour chanter Christian Vidal. Il n'y a personne qui connaît cette chanson-là. Hein. Elle est toute seule. Non. Je crois qu'il a fait que cette chanson-là et puis ce ne fut pas un succès hein, puisqu'elle n'est jamais revenue. Hein. Le pauvre gars. C'est un one man show ou... Je sais pas. Elle fait des vidéos comme ça tout le temps. Mais alors Christian donc. Christian c'était le nom de mon parrain. Je l'ai jamais connu. Mais bon c'est pas grave. Non. Pas grave. Et puis quand j'ai voulu le connaître c'était trop tard. Il était mort. Ah. Eh ben bonne ambi hein. Allez. C'est très rapide les changements d'ambiance avec elle. Non mais il était décédé. Lui aussi. Alors donc voilà. On va faire une acca. Alors vous savez. Alors. Attendez, on va se calmer sinon elle va caler. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo de bricolage, Angélique? Je vous préviens, il faut aller chercher très loin ma réflexion. Ça ne m'étonne pas. J'ai compris. Tout le monde est assis, on s'accroche. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça c'est du plastique que j'ai récupéré. Et qu'est-ce que, à quoi ça sert hein? Ça sert à tenir mes 4 yaourts préférés. J'adore les yaourts. Elles aiment lesquelles? Tout le monde, on aime bien les yaourts. Non, on aime bien les yaourts. J'en mange pas des tonnes, mais j'aime bien ça, les yaourts. Et alors, Et alors, je suis plutôt yaourt aux fruits, mais les yaourts au chocolat. On t'a pas demandé. Mes préférés de préférés. Non, de préférés, je te promets, on t'a pas demandé, Angélique. Non, mais vraiment. Si, je vais vous le dire. C'est non. Saint-Malo. Bon, c'est pas grave. Ouais. Parle toute seule. Sur ce temps-là, je vais juste vous dire que là, sur ce temps qu'elle nous fait tout son frigo, je pense que on peut oublier le bricolage. Là, quoi qu'elle nous parle de yaourt, on va peut-être faire des trucs à base de pots de yaourt. Je me trompe, Angélique, peut-être. Alors donc, on va faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Je sais, c'est n'importe quoi. Si, un petit peu. C'est parce que ça m'a inspiré un petit peu comme ça. Je ne veux pas être dans son cerveau. Imaginez, 3 secondes dans son cerveau, ça donne ça. Non mais c'est fou. À quelle vitesse ça va? Waouh. Bon, on en revient sur la terre, hein, Angélique. On fout comment notre bricolage? Vous savez, les 4 éléments. Enfin, les 4 éléments, ça dépend dans quel on se rien à voir. On se situe parce qu'il y en a plein des éléments, mais les éléments de base, là, vous savez, l'air, l'eau, oui. L'air, l'eau, la terre et puis l'air. Et non, je l'ai déjà dit. Air, ah bah. Terre, air, terre, oui. Air, terre, air, terre, herbe peut-être. Air, terre, eau et feu. J'ai oublié le feu. Qui allumait le feu. Oh, mais bon, c'est pas vrai, c'est formidable. Mais c'est une pépite. La flamme dans vos yeux. Allumez le feu. Il y a des images avec ça, il y a. Oui, mais elle se filme de très près et je ne te montrerai pas ça. Elle met la caméra de côté sur le temps qu'elle fait ses bricolages. Elle est complètement à l'ouest. Hein. J'ai oublié de vous dire que ces vidéos durent en moyenne une heure. Oh, mais prêt. Je plains la personne qui s'est tapé la vidéo entière pour nous résumer les sons. Mais moi, je plains la personne qui vit avec elle si elle est mariée. Une heure de vidéo, vous rendez compte? On est à bout alors qu'on est qu'au début de la vidéo. Bon, est-ce qu'on peut démarrer le bricolage, Angélique? Allons-y, hein, faisons une petite création, appliquons, ça suffit les mots, hein, parce que là, ça fait quand même 11 minutes que je parle, c'est comme d'habitude, hein. Merci. Ça l'air que je parle et que je chante. Alors, du coup, on va faire une carte que j'appellerai, moi, les 4 tarés. J'ai le droit, vous savez. J'ai le droit, ce sera les 4 tarés et je fais ce que je veux. C'est cela, oui. Allez, dans l'équipe, papier, crayon, on suit ce que fait Angélique. Attention. On fait ça pareil là. Ce matin, j'ai entendu une belle chanson. C'était, vous savez, je suis tombée pour elle. Mais c'est pas vrai, j'arrive pas à me concentrer. Je me suis fait très mal. Tiens. Oh, merci. Oui, et du coup, j'ai loupé le bricolage maintenant. Oh, bah écoute. Angélique, concentre-toi sur le bricolage. Le bricolage. L'été. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Non mais... L'été sera chaud. Angélique, on n'a plus le temps. Tais-toi. Angélique, ce sera plus possible, donc on va arrêter là, hein. Parce que là, on vous a déjà consacré 8 minutes d'antenne et pas moyen de démarrer le bricolage. Salut Angélique. Je fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Ah non, on va se revoir. On va se revoir. Je vais faire l'ouverture de. J'ai du courrier, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hein, ah oui. C'est bien de partager avec vous mon courrier. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous, hein. Et puis bonne journée, etc. Pour tous ceux que je reverrai pas tout à l'heure. Allez, gros bisous. Ciao. Ah oui, tout à l'heure, parce qu'elle fait 3 vidéos par jour. Donc forcément, 3 vidéos d'une heure par jour, ça prend du temps. Dès 20h, c'est la trappe. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait fait Marie-Paul Belle. Je ne suis pas parisienne. Et il fallait changer les paroles. C'était « Je ne suis pas », il faut compléter derrière. Là, c'est l'inverse. On démarre et tout ce qu'on va faire finira par « Je dis non ». Ok, je vous donne un exemple en tête. Toujours demander la permission, je dis non. Encore un. Faire ses devoirs, retenir ses leçons, je dis non. Et on va faire le tour de table. Et évidemment, faut être drôle dans les temps. Et si vous bafouillez, ça fait recommencer tout le monde. Et ça fait chier. Oh. Allez, on y va. On tourne dans ce sens-là, d'accord? Okay. Tu commences? Je commence, ensuite c'est Kix, ensuite c'est Maëva. Est-ce que t'es prête ou pas? Parce que tu me fais des grands yeux et des appels de phare, j'ai très peur. Non, on a inversé les séquences, c'est maintenant. Ah, ok. Ah, bon. Mais t'as fait tes devoirs, donc c'est voilà, pour être honnête, on vient de faire tester et je me suis rendu compte que j'en avais qui étaient trop longues ou trop courtes. Mais c'est pas grave, on va condenser, on y va, quoi qu'il arrive. Attention, je démarre. Ensuite c'est Kix, ensuite c'est Maëva, on y va. Je dis non. Ne pas se raser. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je dis non. Pas se raser les poils sous le menton. Je dis non. S'appeler Marcel quand t'as pas de camion. Je dis non. aller se laver mais sans savon. Je dis non. Pour rappel, Brandon, c'est pas Brandon. Je dis non, je dis non. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non, je dis non. Venir en jogging chez ton patron. Je dis non. Enlever de son burger les cornichons. Je dis non. Les restos quand t'as pas un seul rond. Je dis non. Les amis qui s'invitent dans ta maison. Je dis non. Jadoul, je voudrais une augmentation. Je dis non. Je dis non. Non, non, non et non. Je dis non. Le prof qui t'appelle par ton nom. Je dis non. Avoir des rapports sans protection. Je dis non, je dis non. Bon, mais c'était important. Vaut mieux qu'on s'arrête là, je pense. Pour le jeune public. On continue. Bon, on continue. Voilà. Attendez, on peut être encore créatif. On ouais. continue, même tour de table. Vous m'avez tué. Attendez, faut que j'arrête voilà. de rire, sinon je vais me planter, je serai pas dans les temps. On continue. Je dis non. Ce collègue qui prend toujours ton crayon. Je dis non. Le chat qui pisse sur le tapis du salon. Je dis non. Ne pas venir à cette émission. Je dis non. Faire le con et donner des leçons. Je dis non, je dis non. Non. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non. Je dis quoi? Je dis non. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Cette semaine, on a regardé l'émission Enquête. Pardon? Enquête. Ah, enquête. Okay. C'est le moquette ou c'est le mot en? Allez, vous connaissez l'inspecteur Carrois? Oh non. Ah si, c'est lui. Et dans cet épisode, il est tombé sur le roi de l'excuse. Accrochez-vous. Vous avez perdu plus qu'une vie, c'est le casque aussi. Il est là? Oui, il est là, mais vous l'avez pas sur votre tête. Non, c'est parce que je suis descendu juste en arrivant, j'ai perdu le truc. Parce qu'un casque avec une casquette, c'est pas possible. Non, je redémarre avec le casque, vous inquiétez pas. Ouais, mais on va quand même vérifier. Hein. Allez hop, on vérifie. Oui, Mister Carrois ne fait pas les choses à moitié, on ne lui fait pas, lui. Il a l'expérience et tout, attention. Mais il est quand même sympa. Il va lui laisser choisir la suite de la situation. Un casque est fait pour être sur la tête, et c'est impossible de mettre un casque avec une casquette comme vous avez sur la tête. Donc, il faut choisir. Pour la casquette, c'est un pied, et en cyclo, c'est que le casque. Avec que le casque. Ah. Donc tu choisis. Parce choisis, que sinon, hein. t'es secoué comme... tu dis quoi, toi? C'est quoi ton expression de chez toi? T'es harnaché comme une boule de gomme dans le bouc des seaux. Oh, ça c'est le mot il fait. Heureusement que cette émission radio est sous-titrée. Non, mais c'est comme si t'étais secoué comme un chewing-gum qu'un seau mâche quoi. Bah même comme ça. Même en français. Répète-le lentement. Avec l'accent ou pas? Bah oui. T'es harnaché comme une boule de gomme dans le bouc des seaux. Mais des phrases comme ça, moi, il faut pas me les donner. Toi, tu fais une crise d'épilepsie avec ça. On aurait pu s'arrêter là, mais... Vous consommez des stupéfiants, monsieur? Ouais. Ça sent. Ouais, tu consommes. Ouais, ça sent. Vous avez consommé quand? Maintenant, il y a une demi-heure. Non. Bon, vous me dites non. Pour pas me faire arrêter. Ah, de toute façon, vous êtes arrêté. Bon, vous me dites non. Bah, pour pas me faire arrêter. Mais vous êtes déjà arrêté. Ah, on se marre bien. Ouais, je vous interdis ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, c'est au moins quand je mange dehors, je peux pas. Quand vous mangez dehors? C'est prohibé, hein, ça. Bah oui, c'est interdit, monsieur, hein. Vous voulez pas un doggy bag non plus? Vous voulez pas qu'on vous serve sur un plateau? Bon, au final, on aimerait en savoir un peu plus. A-t-il consommé, oui ou non, des stupéfiants en plus d'avoir un petit problème de casque? Là, j'ai pas fumé. J'aurais de la ménage, j'ai fumé. Ah, monsieur, quand je vous interpelle tout à l'heure, je vous demande si vous avez fumé, dites non. Si ça sent le cannabis, je viens de fumer. Ça? Mon nez, vous ne savez plus où vous êtes. Hein? CBD. Mais c'est le CBD que vous pensez. Ah oui? Regardez, les lignes de contrôle sont bonnes, méthamphétamine ça apparaît, amphétamine ça apparaît, opiacé ça apparaît, cocaïne ça apparaît, THC ça n'apparaît pas. Donc ça veut dire que vous êtes positif pour THC. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Hein. Le test il a quand même été élaboré en laboratoire. Hein, oui, c'est pas des conneries, ça vient pas de n'importe où, c'est pas ma mère qui a fait le test. Donc selon lui, ce serait du CBD qu'il a fumé. Alors pour rappel, ceux qui savent pas, le CBD c'est un produit chimique naturel hein, qui peut... disons, soulager l'anxiété, la dépression, la douleur. Et il n'a pas cette espèce de chose inconfortable qu'a la vraie chose. La vraie substance qu'il ne faut pas consommer. Et là, il n'y a pas de dépendance normalement avec la CBD. Or ici, le test prouve bien qu'il y avait du vrai cannabis et le mec a clairement pris les mecs pour des cons. Donc ils vont se jouer de la situation. Ouais, ouais. Le CBD, il n'est pas bon. Hein. Non. Hein?